De la psychologie de saint Augustin, chapitre 8, 4 et 5. Malgré le soin avec lequel saint Augustin analyse l'imagination, il n'est pas de ceux qui exaltent outre mesure cette faculté, et qui nous vantent sans cesse ses productions merveilleuses, il cherche bien plutôt à la rabaisser, elle et ses œuvres, et à nous prémunir contre elles. Il a cela de commun avec tous les philosophes idéalistes. Tous voient en elle la fille et l'auxiliaire des sens, et son défi à l'égal des sens eux-mêmes. On se souvient que Platon, un admirable artiste cependant, accable en toutes circonstances les artistes de ses dédains, et qu'Homère lui-même, en qui la Grèce saluait le chantre de ses héros et son maître d'héroïsme, ne trouve point grâce devant lui. Parmi les modernes, Descartes oppose sans cesse aux vaines images de la fantaisie les solides conceptions de l'entendement, et Malebranche, dans ses attaques contre la connaissance sensible, prend surtout à partie l'imagination, et dirige contre elle ses traits les mieux aiguisés et les plus perçants. Sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, Augustin s'est inspiré des doctrines platoniciennes, et a inspiré, à son tour, Descartes peut-être, mais certainement Malebranche. Parmi les œuvres où l'imagination joue le principal rôle, et qui relèvent plus particulièrement de cette faculté, il faut citer en première ligne les œuvres littéraires. Or tout le monde sait de quelle manière saint Augustin les traite dans ses confessions. Il s'étonne qu'il y ait dans un état des hommes qui puissent impunément enseigner les fictions des poètes, et qui soient même rétribués aux frais du public pour cela. Confession, livre 1er chapitre 13 et 16. Ces fictions sont, à ses yeux, tantôt des bagatelles qu'on a grand tort de prendre au sérieux, tantôt des productions coupables dont on devrait réprimer la licence. Il reproche durement au vieil Homère, suivant d'ailleurs en cela l'exemple de Platon et de Cicéron, de rabaisser la majesté divine au niveau de notre humanité, au lieu d'élever l'humanité au niveau de la majesté divine. Avec une sévérité, où l'on sent, il est vrai, les restes d'une passion mal éteinte, il blâme Virgile de faire pleurer sur les malheurs de Didon des lecteurs auxquels leur propre misère offre assez de sujets de larmes. Il accuse, avec plus de raison peut-être, Terence d'encourager le dérèglement des mœurs, en mettant sur la scène un jeune homme qui s'excite au vice par l'exemple du roi de l'Olympe, du père et du maître des dieux. Nous ne saurions souscrire à tant de rigueur, condamner la poésie en général, et en particulier celle du grand et chaste Homère, et celle des deux poètes romains qui ont fait parler à la passion émue le plus pur et le plus expressif langage, c'est vouloir mutiler l'âme humaine et lui retrancher le noble sentiment de la beauté et de la grâce. Cependant Augustin nous plaît jusque dans ses exagérations même, c'est que ce qui perce dans ses paroles, ce n'est point l'aigreur d'un dévot vulgaire qui s'irrite contre ce qu'il ne comprend pas, ni la répulsion d'une âme froide qui ne peut souffrir ce qu'elle ne sent pas, non, c'est bien plutôt la délicatesse d'un cœur encore tout blessé des passions et qui s'alarme à leur seul souvenir. C'est quelque chose comme les pleurs pénitents de Racine regrettant d'avoir composé Phèdre et Andromaque, ou comme les gémissements contenus de la Lavallière s'accusant de pleurer la mort d'un fils dont elle n'a point encore assez pleuré la naissance. L'influence de l'imagination n'est guère moins funeste, suivant saint Augustin, dans la vie et dans la science que dans la littérature, car c'est d'elle que proviennent la plus grande partie de nos erreurs. Errer, dit-il, c'est prendre ce qu'on imagine pour ce qui est. J'ai dans l'esprit l'image de Rome, Mais cette image n'est pas Rome elle-même. Je me représente intérieurement le soleil, mais cette représentation et le soleil sont deux choses bien différentes. Les erreurs où l'on tombe sont d'autant plus grandes que les images qu'on se représente s'éloignent plus de la réalité. Si l'on se trompe en prenant les images qui ressemblent aux objets et qu'on nomme fantasia, pour les objets eux-mêmes, que sera-ce quand on confondra avec les objets les images nommées fantasmata, qui ne leur ressemblent nullement et qui sont nées des combinaisons les plus capricieuses? Les choses corporelles sont réelles, les fantasia le sont moins, les fantasmata sont moins réelles encore. Nous repaître l'esprit des représentations que l'imagination nous offre, c'est donc nous repaître de mets somptueux, mais creux et sans substance. Ces aliments n'ont pas plus de réalité que ceux que l'on mange en rêve, et ne nourrissent pas plus l'esprit que ces derniers ne nourrissent le corps. Nous pensons, par leurs moyens, soutenir et réparer nos forces, et nous ne nous apercevons pas que nous nous épuisons et que nous tombons en langueur. Puisque c'est s'égarer que de regarder les images des corps comme des corps véritables, n'est-ce pas s'égarer bien davantage que de les considérer comme des représentations de l'âme, dont les corps reçoivent la vie, et de Dieu à qui l'âme emprunte tout son être? Dans le premier cas, on demande à l'imagination ce que les sens seuls peuvent donner, dans le second, on substitue son témoignage à celui de la raison. Les hommes, suivant saint Augustin, ne savent pas faire la différence qu'il faut entre l'acte d'imaginer et celui de concevoir. Un objet qu'ils conçoivent, sans pouvoir se le représenter par aucune image, leur semble un pur néant. De là toutes ces doctrines qui assimilent l'âme au corps, et en font, les unes du feu, les autres de l'air, les autres un mélange des quatre éléments, comme si ce qui n'est pas corporel n'était pas. De la Trinité livre 9 chapitre 14, et livre 11 chapitre 4, de la vraie religion chapitre 34, de la musique livre 6 chapitre 11, confession livre 3 chapitre 6 et suivant. Que dire de l'idée de Dieu et de la manière dont l'imagination s'est plu à l'altérer et à la corrompre? Il faut lire, dans les confessions, le curieux chapitre où saint Augustin raconte comment son esprit, d'abord obscurci par les nuages de l'imagination, s'en dégagea peu à peu et s'éleva jusqu'à la pure lumière de la raison. Il ne pouvait comprendre d'autres substances que celles qui frappent les yeux, cependant l'idée d'une substance corporelle lui paraissait peu conciliable avec l'idée d'un être parfait, immuable, inaltérable, tel qu'il concevait l'être divin. Il écartait quelquefois les fantômes de son imagination, et chassait leurs tumultueux essaims voltigeant de toutes parts autour de lui, mais celui-ci, écarté un instant, revenait bientôt plus serré et plus compact que jamais et projetait de nouveau son ombre sur son entendement. Confession livre 7 chapitre 1er. Augustin avait beau faire, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer Dieu, non pas comme un être ayant l'extérieur d'un homme. Il répugna toujours à cette pensée, mais comme une substance corporelle placée dans l'espace immense, contenant en elle tous les corps de l'univers et s'étendant infiniment au-delà, car une existence purement incorporelle était, à ses yeux, moins réelle que le vide, et lui semblait identique au néant même de l'existence. Comme si, remarquait-il plus tard, l'activité par laquelle il pensait les corps n'était pas bien différente des corps pensés, et néanmoins bien réelle. Quelquefois il se représentait Dieu comme la lumière. De même que la lumière pénètre, sans la rompre, La masse de l'air est la remplie tout entière, de même, pensait-il, Dieu pénètre et remplit l'eau, la terre, le ciel, tout le vaste corps de l'univers, et c'est ainsi qu'il est présent partout et qu'il régit toutes choses. D'autres fois, il se figurait la substance divine enveloppant et pénétrant le monde, à peu près comme une mer infinie dans tous les sens qui envelopperait et pénétrerait une éponge immense, mais d'une étendue bornée. Confession livre 7 chapitre 5. C'est, à peu de choses près, l'image dont se sert Plotin quand il compare l'univers à un vaste filet, et Dieu à un océan sans limite où ce filet serait plongé. Augustin ne songeait pas, ainsi qu'il se le reproche dans ses confessions, que donner à Dieu une étendue effective, c'était diviser sa substance par morceaux, en attribuer, suivant ses expressions, au moineau une moindre partie qu'à l'éléphant, et contredire les plus claires notions de la raison. Dieu, dit-il, c'est la lumière, celle qui éclaire non les yeux, mais le cœur, c'est-à-dire la vérité. Si vous concevez la vérité, tenez-vous-en là, écartez les images qui pourraient obscurcir l'idée que vous vous en faites, car concevoir la vérité, c'est concevoir Dieu. De la Trinité, livre 8 chapitre 2. Pour éviter l'erreur, il importe donc de se prémunir contre l'imagination et ses fantômes, de ne prendre ces représentations que pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour de vaines ombres. Autrement on ne s'élivera jamais de l'opinion à la science, du monde des apparences à celui des réalités. Telles sont les idées que suggère à saint Augustin l'étude de l'imagination considérée dans son action sur la connaissance humaine. Il classe très bien, je ne dis pas les causes de nos erreurs, mais nos erreurs elles-mêmes. Prendre les images de la fantaisie soit pour les réalités sensibles, soit pour les réalités intelligibles, c'est, en effet, à ces deux points que la plupart des illusions de notre esprit se ramènent, et il en est peu qui ne rentrent dans l'une ou dans l'autre de ces deux catégories. Mais Augustin ne se borne pas à classer nos erreurs, il cherche, nous l'avons vu, à en saisir les nuances. Il est certain, en effet, que l'erreur a des degrés, et qu'il y a quelques différences entre croire, sur l'autorité de l'imagination, à la présence d'un objet possible et même réel, et croire, sur la foi de cette même faculté, à la présence d'un objet chimérique et impossible. Un autre point à remarquer, dans les développements qui précèdent, c'est la pénétration avec laquelle saint Augustin reconnaît le fondement solide, inébranlable, sur lequel il faut asseoir et le dogme du Dieu-Esprit, et le spiritualisme tout entier, je veux dire le sentiment de notre activité interne, de notre force spirituelle. Confession livre 7 chapitre 1er. Les modernes ont rattaché, avec raison, à la théorie de l'imagination, l'explication de la rêverie, du rêve, de l'hallucination, de l'extase et des autres phénomènes psychologiques et physiologiques, qui sont en apparence réfractaires à toute espèce de loi. Ils avaient été devancés sur ce point, non seulement par Aristote, mais encore et surtout par saint Augustin. Ce philosophe décrit d'abord, et cela avec une netteté et une exactitude parfaite, l'état anormal de l'âme, celui où elle prend les représentations de son imagination pour ce qu'elles sont et ne les confond pas avec les perceptions des sens, convaincu que les premières ne sont que de simples modifications du sujet pensant, et que les secondes ont au dehors un objet présent et actuel. Quand nous sommes éveillés, dit-il, et que notre esprit, ne cherchant pas à s'abstraire des sens, à une vision corporelle. Nous distinguons parfaitement de cette vision la vision spirituelle par laquelle nous pensons en imagination aux corps absents, soit en nous souvenant de ceux que nous connaissons, soit en nous représentant tant bien que mal, par le mouvement de notre esprit, ceux que nous ne connaissons pas et qui existent cependant, soit en imaginant au gré de notre opinion et de notre fantaisie ceux qui n'existent absolument nulle part. Nous distinguons si bien de toutes ces visions les choses corporelles que nous voyons et qui sont présentes à nos sens, que nous n'hésitons pas à regarder celles-ci comme des corps, celles-là comme de simples images des corps eux-mêmes. De la Genèse au sens littéral, livre 12, chapitre 12. Mais il n'en est pas toujours ainsi, même dans l'état de veille et de santé. La méditation, la rêverie, la passion peuvent quelquefois nous absorber au point de nous faire croire à ce que nous imaginons. Lorsque, dit saint Augustin, la volonté détourne notre esprit des sens et des objets sensibles et le concentre sur les représentations que nous portons au-dedans de nous, il nous arrive de prendre ces représentations si semblables aux objets représentés, pour ces objets eux-mêmes. Ce sont des images si vives, qu'elles nous effraient ou nous charment quelquefois, comme pourraient le faire leurs modèles extérieurs, et qu'elles nous arrachent même des paroles soudaines. Si notre imagination est enflammée de quelque passion ardente, elle prête aux images qu'elle nous offre la même netteté et le même relief que les choses mêmes pourraient avoir. Dans le paroxysme du désir et de la crainte, ce que nous imaginons, nous croyons le voir et le sentir. Saint Augustin parle d'un homme qui se représentait d'une manière si vive, et sous une forme en quelque sorte si solide, le corps d'une femme, que l'imagination produisait en lui les mêmes effets que la réalité. Ce n'est point encore là le rêve, l'hallucination, ni l'extase, mais on conviendra que c'est un état intermédiaire entre l'état normal et ses états extraordinaires, et qu'il peut servir à les expliquer. Ce rapport n'a point échappé à saint Augustin, et on doit lui savoir gré d'avoir réussi à le saisir et d'avoir rattaché entre eux des phénomènes sans lien apparent et visible. Il faut, dit-il, placer parmi les modifications du même genre, les illusions que l'imagination produit en nous durant notre sommeil. De la Trinité, livre 2, chapitre 4. Les visions des fous, des devins, des prophètes, de tous ceux qui ne se possèdent pas, pour une raison ou pour une autre, rentrent dans la même catégorie. En quoi, en effet, le rêve, le délire, l'extase diffèrent-ils de la distraction provoquée par la rêverie ou la passion? En ce que, dans ce dernier état, l'âme ne confond qu'imparfaitement et par intervalles, ses perceptions et ses conceptions, tandis que, dans les premiers, la confusion est à peu près complète et constante. C'est une vérité que saint Augustin ne s'est pas borné à pressentir, il l'a expliqué et développé aussi nettement que devait le faire un jour Dugald Stewart. Quand les images des corps, dit-il, se produisent en nous durant le sommeil ou l'extase, nous ne les distinguons nullement des corps eux-mêmes. C'est seulement quand l'homme recouvre ses sens, qu'il reconnaît qu'il a roulé dans son esprit des images que ses sens ne lui fournissaient pas. Quel est, en effet, celui qui, en s'éveillant, ne s'aperçoit pas tout de suite que les objets qu'il voyait en songe étaient imaginaires, bien qu'il ne pût, quand il les voyait en dormant, les discerner des représentations corporelles d'un homme éveillé. De la Genèse au sens littéral, livre 12, chapitre 2. Augustin ajoute à cette peinture une observation curieuse et qui montre avec quel intérêt et quelle finesse il s'étudiait lui-même. Il lui est arrivé, dit-il, plus d'une fois, lorsqu'il était livré à un demi-sommeil, de voir des corps en rêve, et de penser que c'était en rêve qu'il les voyait. Il était bien persuadé qu'il n'avait devant les yeux que des images trompeuses, et non des corps véritables. Il rêvait même qu'il s'entretenait avec un ami et qu'il lui disait que c'était là de vains songes, mais, dans le même instant où il croyait à l'inanité de ses représentations illusoires, il croyait à la présence réelle de cet ami auquel il pensait parler, de sorte que le vrai et le faux, le réel et le chimérique se mêlaient confusément dans son esprit. De la Genèse au sens littéral, livre 12, chapitre 2. Qu'on nous permette, pour achever ce remarquable tableau du rêve, de traduire un passage des Confessions, où les observations du psychologue se mêlent de la manière la plus heureuse à l'examen de conscience du pénitent, et où saint Augustin se demande curieusement quelles sont les facultés qui sont endormies et quelles sont celles qui restent éveillées durant nos songes. Elles sont, dit-il, encore vivantes dans ma mémoire, dont j'ai parlé si longuement, les impures images que l'habitude y a gravées. Elles se présentent à moi, quand je veille, dépourvues de force, quand je dors, au contraire, non seulement elle me cause du plaisir, mais elle me porte à une sorte de consentement et d'action. Ces images décevantes ont tant de pouvoir et sur mon âme et sur mon corps, que de vains fantômes obtiennent de moi quand je dors, ce que je refuse aux réalités quand je veille. Ne suis-je donc plus alors le même homme, Seigneur mon Dieu ? Quelle différence cependant entre moi et moi-même, suivant que je suis endormi ou éveillé. Où est alors ma raison, qui résiste durant la veille à toutes les tentations, et fait que sous l'action des objets eux-mêmes je reste inébranlable ? Se ferme-t-elle avec mes yeux ? S'assoupit-elle avec mes sens corporels ? D'où vient donc que, durant le sommeil, il nous arrive souvent de résister, de demeurer fidèles à nos résolutions de chasteté, et de refuser notre consentement aux séductions du plaisir. Et cependant, nous sommes si différentes de nous-mêmes que, si nous venons à faillir, une fois éveillés nous retrouvons le calme de notre conscience, persuadés que ce n'est point nous qui avons fait ce qui s'est fait en nous et dont nous éprouvons un regret sincère. Confession, livre 10, chapitre 20. Combien, je le demande, y a-t-il de personnes pieuses que leurs scrupules religieux et le noble souci de leur perfectionnement moral aient amené à s'étudier aussi profondément elles-mêmes ? En quoi diffère l'état de veille et l'état de sommeil ? L'homme conserve-t-il, dans ce dernier état, son identité et sa personnalité ? La sensibilité et l'imagination exercent-elles alors sur lui un empire absolu ? Sa volonté et sa raison sont-elles momentanément inactives et dorment-elles comme les organes ? Si oui, comment tenons-nous en dormant certaines résolutions ? Sinon, comment manquons-nous à d'autres, sans en éprouver aucun remords ? Ces questions, savamment agitées pour la plupart par la philosophie de notre temps, avaient, comme on le voit, été entrevues et même assez nettement posées par la théologie du IVe siècle. Augustin décrit encore, mais plus brièvement, le délire et l'extase, et ne voit dans ces phénomènes, comme dans celui du rêve, qu'un simple tissu d'imagination. Si un homme est atteint d'un accès de délire ou de fièvre chaude, les représentations qu'il se forme en lui-même sont alors si vives, qu'il les prend pour des réalités, et que ce qu'il imagine dans son esprit, Il croit le voir avec les yeux de son corps. Si, pendant qu'il est dans cet état, ses sens continuent à fonctionner, il pourra se faire qu'il parle à la fois à un homme qui est devant ses yeux, et à un homme qui n'est présent qu'à son imagination. Saint Augustin en a vu des exemples. De la Genèse au sens littéral, livre 12 chapitre 12. L'ingénieux observateur aurait pu remarquer que c'est là un trait de ressemblance entre le délire et le rêve, car un homme qui rêve répond quelquefois aux questions qu'on lui adresse, et continue néanmoins à dormir et à rêver, de sorte que son imagination et ses sens agissent à la fois. Mais une autre analogie entre ces deux états qui ne lui a pas échappé, c'est qu'à la fin de l'accès de délire, comme à la fin du rêve, tantôt on se souvient, tantôt on ne se souvient pas de ce qu'on a fait ou éprouvé. Si tout commerce est rompu entre l'esprit et les sens, ce n'est plus simplement le délire, c'est l'extase. Les corps sont présents, les yeux sont ouverts, et cependant les yeux ne perçoivent point les corps. L'esprit est absorbé par les images purement intellectuelles, ou par les images spirituelles que les corps ont précédemment gravées au-dedans de lui. Les idées que l'on a alors ne sont pas d'une autre nature que celles que l'on a dans l'état de veille et de santé, toute la différence est que, dans ces derniers états, on distingue parfaitement les images des corps eux-mêmes par la manière dont on est modifié. De la Genèse au sens littéral, livre 12 chapitre 12. À l'appui de cette théorie, Saint Augustin cite un fait dont il a été témoin et qui ne manque pas d'analogie avec ce dont le magnétisme contemporain a fait tant de bruit. Il a connu un paysan qui savait très bien qu'il ne dormait pas et qu'il voyait quelque chose sans le secours des yeux du corps. « C'est mon âme qui voit, disait-il, et non pas mes yeux. » Quant à savoir s'il voyait un corps réel ou une simple image, il n'était pas assez éclairé pour faire cette distinction. Tout ce que Saint Augustin peut dire, c'est que ce paysan était d'une bonne foi parfaite et qu'il croyait ce qu'il disait, comme s'il l'avait vu lui-même. Idem chapitre 2. Mais il ne suffit pas à l'homme de savoir en quoi consiste le délire et l'extase, il veut encore connaître les causes d'où ces phénomènes dérivent, car il recherche volontiers la raison des faits extraordinaires, tandis que les faits journaliers n'éveillent nullement son attention. Que je prononce en présence de quelqu'un, dit admirablement Saint Augustin, le mot catus, comme il n'y est pas habitué, il me demande sa signification et son étymologie. Si je réponds que son sens est le même que celui d'acutus, le voilà satisfait. Mais j'ai coutume, pour le secouer dans ses habitudes de routine, de lui demander à mon tour le sens et l'étymologie d'acutus lui-même. Il ne les sait pas et cependant il ne me les demandait pas, parce que c'est un mot qui lui est familier, aigu, pénétrant, fin. Il en est des choses comme des mots. On cherche la nature et la cause des visions qui se produisent dans l'extase, et on ne cherche pas celle des visions, bien plus nombreuses, qui viennent nous assaillir pendant notre sommeil. On s'inquiète bien moins encore d'expliquer celles qui nous assiègent constamment durant la veille et que notre esprit forme avec une facilité et une rapidité merveilleuses, et qui ne sont pas moins incompréhensibles que les visions de l'extase et des songes. Toutes ces représentations, si différentes qu'elles paraissent au premier abord, sont au fond de la même nature, elles sont spirituelles les unes et les autres et ne doivent point être regardées comme des corps. La seule chose qui les distingue, c'est leur cause. Elles viennent tantôt du corps, tantôt de l'âme, du corps, quand les organes sont engourdis par le sommeil, Troublé par la frénésie, obstrué par une maladie quelconque, de l'âme, quand les organes étant en bon état, le sujet croit voir, par les sens, des corps qu'il ne voit point ou que, se repliant sur lui-même, il prend pour des réalités les fantômes qui remplissent son imagination. Toutefois, et saint Augustin a grand soin de le faire remarquer, lors même que le corps est l'occasion de ces divers états et donne lieu à ces représentations diverses, il n'en est point la véritable cause. Pourquoi ? Parce que ce serait le renversement d'un principe que notre auteur tient pour inébranlable, à savoir, que le corporel ne saurait engendrer le spirituel. Voici donc, suivant lui, comment les choses se passent. La voie que l'attention avait coutume de parcourir à partir du cerveau et par laquelle s'opérait la sensation, étant dans un état d'engourdissement, de perturbation ou d'obstruction, l'âme, qui éprouve sans cesse le besoin d'agir et qui ne peut alors agir par le corps et sur le corps, agit en elle-même et sur elle-même, ou en considérant simplement les images qu'elle y trouve tracées, ou en les combinant de mille manières. Quand les yeux sont malades ou éteints, et que l'organe cérébral est dans son état ordinaire, ces phénomènes ne se produisent point, l'attention se porte instinctivement vers le dehors, par cela seul qu'elle ne rencontre pas d'abord un obstacle qui la force à se réfléchir vers le dedans. Aussi les aveugles se font-ils des représentations plus nettes des objets durant le sommeil que durant la veille, tant le point où l'obstacle se fait sentir a d'importance. Si l'obstacle ne se rencontre qu'aux yeux, aux oreilles, aux portes, pour ainsi dire, de nos différents sens, il en résulte seulement que la perception n'a pas lieu. Mais si l'obstacle se produit dans le cerveau, d'où partent tous les chemins qui aboutissent aux objets extérieurs, l'âme dévoyée, mais toujours agissante, revient sur elle-même, s'agite parmi les 20 simulacres qu'elle enfante et les prend pour les corps dont il lui offre l'exacte représentation. De la Genèse au sens littéral, Livre 12 chapitre 18 19 20 et 25. Saint Augustin ne s'en tient pas à ses explications moitié psychologiques, moitié physiologiques, auxquelles on ne saurait s'empêcher de reconnaître un caractère extrêmement ingénieux. Il y ajoute des explications théologiques et démonologiques qui seront sans doute moins du goût de la science contemporaine. Cependant, si l'on réfléchit à la place que ce genre de considération occupait dans la philosophie alexandrine à laquelle saint Augustin a demandé tant d'inspiration, si l'on se rappelle tant de passages de l'Écriture où les songes sont représentés comme des avertissements de Dieu même, on ne s'étonnera pas que le grand docteur ait admis l'élément surnaturel à côté de l'élément naturel dans la théorie qu'il fait de ces phénomènes extraordinaires. Comment s'y prennent les puissances célestes, lui écrivait son ami Nébride, pour nous faire avoir des songes? À quels moyens ont-elles recours pour produire dans notre âme l'impression de leur propre pensée et nous faire imaginer les mêmes choses qu'elles? Est-ce qu'elles nous les montrent exprimées sur leur propre corps ou gravées dans leur imagination? La première hypothèse n'est pas admissible, car nos yeux étant fermés pendant notre sommeil, ne sauraient voir leur corps. La seconde ne l'est pas davantage. En effet, si les puissances célestes peuvent, par leur seule imagination, frapper la nôtre de manière à lui faire prendre pour une vision ce qui est réellement un songe, pourquoi ne puis-je pas, avec mon imagination à moi, agir sur la tienne, de manière à y engendrer les représentations que j'ai d'abord formées en moi-même? Ce sont là des objections qui révèlent un esprit peu enclin au mysticisme et que, si j'en juge par le dernier trait, le magnétisme de notre temps aurait eu de la peine à séduire. À ces objections, Nebride ajoute les réflexions suivantes qu'un médecin du XIXe siècle ne désavouerait pas. Qu'est-ce donc, dit-il, qui produit les songes? Rien autre chose que notre corps. Une fois qu'il a éprouvé certaines modifications, nous sommes forcés, à cause de l'union qui existe entre lui et notre âme, de les représenter à notre imagination. Il nous arrive quelquefois, durant notre sommeil, d'avoir soif, nous songeons alors que nous buvons, d'avoir faim, nous songeons alors que nous mangeons. Il en est de même des autres impressions du corps, elles ont presque tout leur retentissement dans l'âme. Lettre 8. Dans la réponse qu'il fait à cette lettre remarquable, saint Augustin admet, avec son ami, le rapport constant du physique et du moral, mais, au lieu d'en conclure l'inutilité du surnaturel pour expliquer le phénomène du rêve, il se fonde sur ce rapport même pour rendre le surnaturel plus acceptable. Tous les mouvements de l'âme ont, suivant lui, leur contre-coup dans le corps, et quand ces mouvements ont une certaine intensité, ils arrivent jusqu'au sens. Or les esprits aériens et éthérés, ayant des sens incomparablement plus subtils et plus pénétrants que les nôtres, démêlent dans notre corps des dispositions insensibles à nos organes grossiers et qui leur révèlent exactement nos dispositions morales. Mais, si l'âme agit sur le corps, à son tour, agit sur l'âme, de telle sorte qu'il n'y aurait qu'à changer les modifications de l'un pour changer celles de l'autre et pour produire en elle la volonté certains rêves. Les génies bons ou mauvais, connaissant parfaitement notre corps, peuvent donc y exciter, à notre insu, les mouvements qu'il leur plaît, de manière à faire naître dans notre âme les différents états que ces mouvements ont coutume d'y déterminer. Ainsi, qu'est-ce qui les empêche, par exemple, d'exciter notre colère en remuant notre bile, puisque la bile, qui est engendrée par la colère, l'engendre à son tour? Lettre 9. Que l'on veuille bien se placer pour un instant, si l'on n'y est pas, au point de vue de saint Augustin, admettre avec lui la vérité des récits bibliques, accepter avec lui comme positif les faits qui y sont consignés, et on verra qu'il est difficile de rendre compte de ces faits d'une manière plus satisfaisante et plus plausible. Ce n'est point ici un esprit d'une crédulité naïve qui a recours au surnaturel, parce qu'il est peu habitué à saisir les liaisons des choses et à remonter d'un anneau à l'autre dans la vaste chaîne des phénomènes. Ce n'est point un poète qui attribue à des causes merveilleuses les faits de l'ordre moral, comme ceux de l'ordre physique, et fait sortir les saints des songes du fond des enfers par une porte de corne ou par une porte d'ivoire, comme il épanche l'eau des fontaines de l'urne des nymphes et fait partir la foudre de la main de Jupiter. Non, c'est un théologien, c'est-à-dire un esprit réfléchi et sérieux qui s'est convaincu de certains faits et qui n'a pas de repos qu'il n'ait trouvé une théorie pour les expliquer. Il ne les discute peut-être pas tous avec l'exactitude scrupuleuse d'un savant moderne, mais il ne les accepte pas non plus avec la simplicité enfantine d'une âme crédule. La raison lui sert, sinon à fonder sa foi, du moins la légitimer. C'est déjà le procédé de saint Anselme et du Moyen Âge. Voir le bel ouvrage de Monsieur de Remusat, intitulé « Saint Anselme de Canterbury ». Non content d'admettre et d'expliquer le rêve prophétique, Augustin admet encore et explique la divination de l'avenir dans l'état de veille, et a recours à l'intervention du surnaturel pour rendre compte du second de ces phénomènes comme du premier. Partant de l'idée que la divination de l'avenir est un fait incontestable, il ne comprend pas que l'homme l'attire de lui-même, puisque, avec le désir qu'il a de connaître l'avenir, s'il dépendait de lui de le connaître, il le connaîtrait toujours. Il ne comprend pas davantage qu'un pur néant ou qu'un simple corps puisse nous le révéler, il reste donc que la connaissance nous en soit donnée par un esprit. Cet esprit appelle notre attention sur certaines images qui sont déjà en nous, ou bien il en trace en nous de nouvelles, ou bien il nous en montre qui sont en lui, ou bien enfin il s'unit à nous si intimement qu'il y a comme une identification passagère entre lui et nous, et que c'est lui qui parle par notre bouche. C'est le cas des possédés du démon. De la Genèse au sens littéral, Livre 12 chapitre 13. Un philosophe très judicieux et très distingué a remarqué qu'Aristote et saint Augustin, en expliquant le fait de l'esclavage, avaient puissamment contribué à le maintenir dans les âges suivants. Voir Monsieur Janet, Histoire de la philosophie morale et politique. N'est-il pas permis de croire aussi qu'en rendant le fait de la possession du diable plus ou moins plausible, Augustin a contribué, sans le vouloir, à perpétuer cette croyance à une époque où tout le monde conviendra qu'elle était sans objet? Du reste, ces théories de l'imagination est, comme celle de la mémoire, extrêmement remarquable. Elle égale peut-être cette dernière pour l'étendue, la variété, la profondeur, et lui est certainement supérieure pour l'exactitude. C'est une étude où il y aurait plus à éclaircir et à développer, qu'à critiquer et à reprendre. Le premier mérite d'Augustin dans ce curieux travail est d'avoir bien saisi la nature de l'imagination. Il n'en fait ni la faculté de reproduire, ni celle d'idéaliser, mais celle de combiner. Il ne la met ni si bas que les anciens ni si haut que certains modernes, il la laisse à sa véritable place. Un autre mérite de ce père, c'est d'avoir distingué avec une netteté admirable les représentations des sens, celles de l'imagination et celles de la raison, sous la triple dénomination de visions sensibles, de visions spirituelles et de visions intellectuelles. Il ne lui a manqué que d'avoir montré, comme le fit plus tard Malebranche, qu'il y a progression descendante dans la force avec laquelle ces visions nous frappent. Je vois un meurtre, j'en suis bouleversé pendant 8 jours. J'en lis une vive description, je m'en préoccupe jusqu'au soir. J'en vois quelque part l'indication sommaire et rapide, au bout de quelques minutes, je n'y pense plus. De là, la nécessité pour qui veut entraîner ses semblables par l'éloquence, de ne pas se borner à parler à leur entendement, mais de s'adresser aussi à leur imagination et même, si cela est possible, à leurs yeux. Antoine souleva les Romains en étalant devant eux la robe de César. Il faut aussi savoir gré à saint Augustin d'avoir bien vu le côté intellectuel de l'imagination, mais il est à regretter qu'il l'ait un peu trop laissé dans l'ombre. Il n'a pas assez montré que ce n'est pas seulement au sens extérieur, mais encore au sens intime, que cette faculté emprunte les matériaux qu'elle met en œuvre. Le poète qui a créé les figures d'Achille et d'Agamemnon, d'Andromaque et de Pénélope, n'a pas seulement opéré sur la réalité physique, mais encore et surtout sur la réalité morale, ce ne sont pas seulement des formes, des couleurs, des vêtements d'or et de pourpre qu'il s'est plu à associer mentalement, D'une manière plus ou moins heureuse, ce sont, avant tout, des passions violentes et héroïques, des sentiments purs et délicats qui la fondent ensemble, de manière à former des caractères. Or qui lui révélait ses sentiments et ses passions, sinon le sens intime? Enfin, il faut louer principalement notre auteur d'avoir expliqué, par le jeu de l'imagination, le rêve, le délire, l'extase, la plupart des séries d'idées anormales, et d'avoir fait ressortir leur analogie avec les idées normales et ordinaires, en comparant tour à tour ces deux espèces d'idées à celles qui sont provoquées par la passion et qui tiennent à la fois des unes et des autres. Dougal Stewart n'a pas procédé plus habilement de nos jours, quand il a voulu se rendre compte du rêve, il l'a rapproché de la rêverie. Markham Dan Archive.org 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.